Caprice de lecture sur Fadjet, animé par Sarah. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle année pleine de lectures sur Fadjet. Et c'est la première émission de l'année et aujourd'hui j'ai le bonheur de recevoir Sabrina de Sa Bibliothèque. Bonjour Sabrina. Bonjour Sarah, merci pour l'invitation. Et ben, je suis très contente que tu aies accepté cette invitation. J'avais très envie qu'on parle donc de Sa Bibliothèque aujourd'hui. Alors on va donner un petit peu le programme de l'émission. Donc dans un premier temps, Sabrina, tu vas être soumise à une interview très musclée en 4 ou 5 questions. On aura des petites coupures musicales. Après on va parler d'un lieu insolite ou découvrir des livres aussi, essentiellement dans le Grand Est. Et puis en troisième partie, je vous parlerai du caprice de la semaine. Je vais déjà vous dévoiler le titre. C'est Une vie en contre-jour de Gaël Josse, qui parle de la biographie de la photographe Viviane Mayer. Alors, on commence tout de suite. Sabrina, alors déjà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, c'est-à-dire comment tu en es venue à la Sa Bibliothèque ? Alors oui, eh bien, j'ai commencé Sa Bibliothèque il y a un petit peu plus de 10 ans. Donc j'ai commencé de chez moi avec mon ex-compagnon. Donc on recherchait des bouquins un peu partout, dans les assos, les amis, les familles qui nous donnaient leurs livres. D'accord. Et puis, on stockait chez moi, dans mon garage. Donc, c'est une aventure. Ça commence à une aventure presque familiale. Oui, c'est ça. Ouais. D'accord. Et puis, un jour, le garage était plein. Trop petit. C'est ça. Donc, un ami à nous s'est joint pour créer une SARL. D'accord. Et aujourd'hui, on se retrouve sur Lunéville, dans la zone des faïenceries, dans un bâtiment qui fait 1000 mètres carrés. Ah oui, on est loin du garage. Oui, ouais, effectivement. Okay. Et puis, on fait la vente en ligne. D'accord. Et puis, il y a 2 ans, un petit peu plus de 2 ans maintenant, on a ouvert la boutique où les gens peuvent effectivement venir chercher des livres à très bas prix. D'accord. Donc, ça permet aussi un accès à la lecture pour tout le monde. Tout à fait. Enfin, on arrive à ce que tout le monde puisse avoir accès aux livres, quel que soit l'âge. Alors, ça, c'est super. Alors, vous avez quand même choisi un concept original qu'on peut voir d'ailleurs sur votre page Facebook, qui s'appelle « De deuxième vie, des objets culturels ». C'est ça. Je suis admirative et surprise parce que donner une deuxième vie à un livre, c'est pas toujours évident. On a quand même les grandes enseignes, tout ce qui est la Fnac, le plus gros concurrent, je crois, c'est Amazon. Alors, du coup, voilà, comment vous arrivez à intégrer ça, on va dire, parce que c'est essentiellement dans le Grand Est, je suppose ? Eh bien, en fait, on achète des grosses quantités de livres invendus, issus de déstockage, avant qu'ils soient détruits, en fait. Et donc, on les vend soit en ligne et ou à la boutique. D'accord. Et puis, on récupère aussi les dons des gens. Okay. On travaille aussi avec des associations. D'accord. Vous créez un relationnel aussi, quelque part, humain, au-delà du livre. Ah oui, oui, tout à fait. C'est chouette. Et puis, c'est vrai qu'on a une grande boutique qui fait 250 mètres carrés, qu'on est encore actuellement en train d'agrandir. D'accord. On n'arrête pas. Mmh. On cherche de la convivialité. On n'est pas que sur du commerce. C'est ça qui est bien. Il y a beaucoup d'humains. C'est ça. Je trouve ça chouette parce que aujourd'hui, avec la crise sanitaire et avec tout ce qu'on entend et tout ce qui se passe, je pense que les gens ont besoin de se retrouver. C'est ça. Et c'est une belle aventure, moi, je trouve. Voilà. Merci. Donc, la deuxième vie des objets culturels, c'est aussi donner une deuxième vie peut-être à des gens qui sont seuls aussi. Ça peut arriver. Oui, tout à fait. Parce que vous rencontrez plein de Effectivement. C'est chouette. Ouais. Alors, on va faire une petite pause musicale avec The Pointer Sisters. I'm so excited. À tout de suite, Sabrina. À tout de suite. caprices de lecture sur Fadjet. De retour dans Caprices de lecture, toujours avec Sabrina. Alors, nous allons passer à la question suivante. Sabrina, oui. Je crois que tu voulais, avant que je passe à la troisième question, je crois que tu voulais rajouter une petite précision. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, on récupère des livres, comme je l'ai dit, on achète des grosses quantités de stock, on récupère les dons. Et puis, donc pour boucler la boucle, tout ce qui ne trouve pas de marché ou qui est en trop mauvais état, on recycle. Donc, on refait transformer en pâte à papier pour refabriquer du livre. Donc, la boucle est bouclée. Et la boucle est bouclée, ouais, c'est ça. Ça, c'est bien. C'est une vraie vie du livre. C'est ça. Le livre naît de ses cendres, quelque part. Oui. Ouais, et je trouve ça vraiment bien. Alors, quelle est la réaction des gens qui viennent chercher, par exemple, un polar? Parce que, voilà, c'est, comme tu l'as expliqué, c'est à des prix relativement abordables. C'est ça. Et qui, en fait, découvrent un truc qu'ils cherchaient pendant, je sais pas, 5-6 ans. Est-ce que tu as des petites anecdotes comme ça à nous raconter? Effectivement, alors notre boutique fait 250 mètres carrés, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on l'agrandit encore, on n'arrête pas. J'ai vraiment pour tout le monde, tous les thèmes, que ce soit de l'enfant, de l'art, de la peinture, du loisir créatif, des romans, des romans recherchés ou moins. Et c'est vrai que ça nous est souvent arrivé, les gens recherchent un livre d'art par exemple, qu'on ne trouve pas forcément partout. Ou très cher, parce que c'est très rare. Ou très cher, effectivement. Oui. Et donc oui, j'ai un rayon art et les gens sont ravis de retrouver ce qu'ils cherchent depuis longtemps. Et puis effectivement, les gens sont toujours très surpris de voir la superficie de la boutique, de voir comme c'est grand. Ils rentrent dans une pièce, et ben, y en a encore une après. C'est le paradis des lecteurs, ça ne s'arrête plus, on pourrait y passer d'or. La nuit. Ah non, c'est bien. Ce qu'on me dit souvent. Je trouve ça vraiment chouette parce que quand tu expliques, on sent qu'on n'est pas que dans du commerce. T'as un vrai lien avec le livre, avec les personnes qui viennent, avec ceux qui donnent. C'est vraiment, c'est chouette. C'est un endroit très convivial. Et effectivement, je rebondis sur ça. On a en projet d'agrandir notre entrepôt pour en faire un tiers-lieu. Donc un endroit toujours très convivial, hein, c'est ce qu'on veut. On veut que les gens puissent se rencontrer chez nous pour faire de la cuisine, pour faire du loisir créatif, pour animer un club de lecture. Donc on serait au-delà du livre, en fait. Le livre, c'est l'endroit. Sa bibliothèque, c'est l'endroit où on vient acheter un livre, mais on pourrait aussi rencontrer des gens qui nous apprennent à faire de la cuisine, rencontrer des personnes avec des petits-enfants et qu'il y a un vrai échange de connaissances. C'est ça. C'est un projet qui nous tient à cœur depuis quelques années déjà. Alors, c'est un lourd projet. On verra bien si on y vient à bout. Mais on te le souhaite, on croise les doigts parce que c'est un très très beau projet, mais c'est vrai qu'à mettre en place, c'est chouette. Alors, j'ai une dernière question pour toi, Sabrina. Quel conseil pourrais-tu donner à nos auditeurs, alors que ce soit des conseils de lecture, des conseils pour donner des livres, s'ils ont envie de donner des livres, ou voilà, dis-nous, quel conseil tu pourrais donner. Effectivement, vous pouvez venir chez nous si vous avez besoin de débarrasser votre grenier, ou on récupère tous les livres, tout ce qui est papier, on recycle, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est pour ça qu'on récupère tout ce qui est papier. Et puis sinon, concernant la lecture, lisez, ne vous arrêtez jamais, quoi que ce soit des BD, des romans, des polars, il faut lire. Oui, voilà, toujours. C'est super important. Merci beaucoup Sabrina. Donc on rappelle que la Sa Bibliothèque est située zone des Faïenceries à Lunéville. C'est ça. Allez-y nombreux, le personnel est charmant. Et encore une fois, merci beaucoup d'être venu dans les studios pour merci nous parler de Sa Bibliothèque. Merci. Tout de suite, on fait une pause musicale avec Pharrell Williams. We'll be right back. Caprice de lecture sur Fadjet. Bienvenue pour cette troisième partie d'émission dans laquelle je vais vous présenter une librairie alors qui est vraiment aux antipodes de sa bibliothèque, qui s'appelle À l'abri du temps et qui se situe 21 Grande Rue à Nancy. Alors pourquoi aux antipodes? Tout simplement parce qu'on n'est pas dans des mètres carrés de livres au paradis des grands lecteurs, mais plutôt dans un écrin, un espèce de petit joyau dans lequel on est dans une atmosphère plutôt très cosy avec des expositions de jeunes artistes. C'est une librairie qui a été créée en 1988 et qui vous permettra de découvrir donc effectivement des expositions, mais aussi un endroit plutôt posé pour découvrir ou redécouvrir des romans ou des livres d'art ou d'histoire que vous aimez. Donc, je vous rappelle son adresse, 21 Grande Rue à Nancy. Vous pouvez retrouver le site internet alabridutemps.fr. On refait une petite pause musicale, parce que j'aime bien les pauses musicales, tout de suite avec The Weeknd, Take My Breath. The fire in your eyes. I saw the fire when I look into your eyes. You tell me things you wanna try. I know temptation is the devil in disguise. You risk it all. We'll be right back. reprise de lecture sur Fadjet. Eh bien, de retour parmi nous pour cette dernière partie d'émission où, comme le veut la tradition, je vais vous présenter le caprice de la semaine. Et j'ai choisi cette semaine un livre de Gaëlle Josse, paru aux éditions J'ai lu en 2019, qui s'appelle « Une femme en contre-jour ». Alors pourquoi j'ai choisi ce livre ? Parce qu'elle retrace la biographie de Viviane Mayer, qui était une photographe bourrée de talent, mais qui n'a été connue qu'après sa mort. Voilà, je vais retracer un petit peu l'histoire rapidement. Viviane Mayer est née en 1926 d'un père austro-hongrois et d'une mère américaine, mais qui vit dans une famille extrêmement déséquilibrée et qui passe la moitié de son enfance entre la France et les États-Unis. Et Viviane Mayer se retrouve ballottée entre une mère qui est une mythomane née, un papa qui les laisse complètement tomber, et un grand frère qui a pas mal de problèmes, se retrouve un peu seule comme ça, sans diplôme, sans rien, et qui de coup devient gouvernante pour de riches familles américaines. Et quand elle est gouvernante et qu'elle va promener les enfants, elle a un petit appareil photo où voilà, elle commence à se prendre en autoportrait, à prendre en photo des gens dans la rue. Et puis, voilà, sur la fin de son parcours de photographe, en fait, elle prend en photo les mains. Elle a toujours été obsédée par les mains et aussi par faire des petits films en couleur de très très très courts métrages. Mais Viviane Mayer, c'est surtout l'œil de l'invisible. Elle se prenait en autoportrait parce que c'était le seul portrait qu'elle avait et surtout c'était quelqu'un qui s'effaçait complètement. Je pense que cette blessure affective qu'elle avait depuis l'enfance n'a jamais guéri. Elle est morte malheureusement dans l'indifférence la plus totale et c'est quand une fois qu'elle est décédée, elle avait mis toutes ses photos dans un box hein, et c'est celui qui a racheté ce box pour rien du tout qui a découvert ses photos en se disant mais je peux peut-être en faire quelque chose et c'est comme ça que son talent est apparu. Elle est morte en 2009. Alors je vais pas dévoiler la fin du livre, là j'en suis qu'à la moitié. Moi je vous invite vraiment à aller lire ce livre, et surtout à aller voir le court-métrage de l'exposition qui a eu lieu au Palais du Luxembourg à Paris. Donc là, c'est terminé, c'était jusqu'au 9 janvier, pour découvrir ce fabuleux travail, malheureusement reconnu post-mortem. Encore merci Sabrina d'être venue parmi nous. Avec plaisir. J'étais ravie. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission et de nouveaux invités. Et en attendant, très bonne lecture. À bientôt. Au revoir. Au revoir.